le marquis fut environ 2 mois sans se montrer chez madame de la Pommeraye. Et voici ses démarches dans cet intervalle. Il fit connaissance avec le confesseur de la mère et de la fille. C'était un ami du petit abbé dont je vous ai parlé. Ce prêtre, après avoir mis toutes les difficultés hypocrites qu'on peut apporter à une intrigue malhonnête et vendu le plus charmant qu'il lui fut possible la sainteté de son ministère, se prêta à tout ce que le marquis voulut. La première scélératesse de l'homme de Dieu, ce fut d'aliéner la bienveillance du curé et de lui persuader que ses deux protégés de madame de la Pommeraye obtenaient de la paroisse une aumône dont elle privait des indigentes plus à plaindre qu'elle. Son but était de les amener à ses vues par la misère. Ensuite, il travailla au tribunal de la confession à jeter la division entre la mère et la fille. Lorsqu'il entendait la mère se plaindre de sa fille, il aggravait les torts de celle-ci et irritait le ressentiment de l'autre. Si c'était la fille qui se plaignit de sa mère, il lui insinuait que la puissance des pères et mères sur leurs enfants était limitée et que, si la persécution de sa mère était poussée jusqu'à un certain point, il ne serait peut-être pas impossible de la soustraire à une autorité tyrannique. Puis, il lui donnait pour pénitence de revenir à confesse. Une autre fois, il lui parlait de ses charmes, mais lestement. C'était un des plus dangereux présents que Dieu pût faire à une femme. De l'impression qu'en avait éprouvé un honnête homme qu'il ne nommait pas, mais qui n'était pas difficile à deviner. Il passait de là à la miséricorde infinie du ciel et à son indulgence pour des fautes que certaines circonstances nécessitaient, à la faiblesse de la nature, dont chacun trouvait l'excuse en soi-même, à la violence et à la généralité de certains penchants, dont les hommes les plus sains n'étaient pas exempts. Il lui demandait ensuite s'il n'avait point de désir, si le tempérament ne lui parlait pas en rêve, si la présence des hommes ne la troublait pas. Ensuite, il agitait la question si une femme devait céder ou résister à un homme passionné et laisser mourir et damner celui pour qui le sang de Jésus-Christ était versé. Et il n'osait la décider. Puis, il poussait de profonds soupirs. Il levait les yeux au ciel. Il priait pour la tranquillité des âmes en peine. La jeune fille le laissait aller. Sa mère, madame de la Pommeraye, à qui elle rendait fidèlement les propos du directeur, lui suggérait des confidences qui toutes tendaient à l'encourager. « Jacques, votre madame de la Pommeraye est une méchante femme. » Le maître, « Jacques, c'est bientôt dit. Sa méchanceté de lui vient-elle? Du marquis des Arcis. Rendez celui-ci tel qu'il avait juré qu'il devait être et trouve-moi quelques défauts dans madame de la Pommeraye. Quand nous serons en route, tu l'accuseras et je me chargerai de la défendre. Pour ce prêtre, vil et séducteur, je te l'abandonne. Jacques, c'est un si méchant homme que je crois que cette affaire-ci, je n'irai plus à confesse. Et vous, notre hôtesse? Pour moi, je continuerai mes visites à mon vieux curé qui n'est pas curieux et qui n'entend que ce qu'on lui dit. Jacques, si nous buvions la santé de votre curé, l'hôtesse, pour cette fois-ci, je vous ferai raison, car c'est un bon homme qui, les dimanches et jours de fête, laisse danser les filles et les garçons, et qui permet aux hommes et aux femmes de venir chez moi, pourvu qu'ils n'en sortent pas ivres. À mon curé. Jacques, à votre curé.